Le prisonnier par Jules de Saint-Félix. La maison de Fakhreddin Ben Lokman, en la ville de la Mansoura, était grande et richement décorée. Elle avait une salle basse, dont la terrasse avancée donnait sur les eaux du Nil. La voûte de cette salle s'arrondissait en dôme, et ses lambris chargés d'arabesques étaient travaillés merveilleusement. Des tapis de damas et de peaux de léopard étaient étendus çà et là sur le pavé de marbre. Un jasmin jaune serpentait autour du cintre des fenêtres qui donnaient sur le fleuve. Sur le soir d'un beau jour d'avril, les portes de cette salle s'ouvrirent et deux Égyptiens richement vêtus entrèrent avec un prisonnier dont ils semblaient honorer la haute infortune par leur manière douce et empressée. Ce prisonnier portait une robe longue doublée de menu vert et serrée à la taille par une ceinture écarlate. Il avait sur la tête une sorte de bonnet ou chaperon de couleur brune et garni de fourrure. Ses cheveux pendaient sur ses épaules et une grande mélancolie était empreinte sur son visage. On voyait à sa pâleur et à la maigreur de ses traits qu'il avait sans doute beaucoup souffert des fatigues de la guerre, car c'était un chevalier chrétien, ainsi que le témoignaient sa croix et ses éperons. Un des deux musulmans qui l'accompagnait lui dit ces mots : « C'est ici la salle où doit avoir lieu la conférence. Le sultan, mon maître, ne tardera pas à venir. Voici le siège préparé pour vous. Qu'il vous plaise de vous reposer sur ce tapis, égal en richesse à celui qui est destiné à Almohadan Tourancha, le maître de l'Égypte. » Le prisonnier s'assit sans répondre à Fakhreddin, fils de Lokman, dans la maison duquel il était en captivité, et tirant de son sein un rosaire, que toujours il portait, il commença ses prières, jetant de tristes regards sur les belles rives qui se déroulaient devant lui. Fakhreddin dit à son compagnon « Sabi, ne troublons point la prière du roi des Francs. » Et tous deux se retirèrent à l'écart. Cependant arrivèrent trois autres chrétiens, prisonniers comme le roi Louis IX. L'un était Isambert, son maître d'hôtel et le seul de ses serviteurs qu'on lui eût laissé. L'autre, Monseigneur Guillaume de Chartres, son aumônier. Le troisième, le vaillant comte Geoffroy de Sargine, qu'il avait si bien gardé avec son épée dans le dernier combat. Quand le roi les vit entrer, un rayon de joie brilla dans ses yeux, et il leur tendit la main que ceux-ci baisèrent en s'agenouillant. « Ah, sire !» s'écria Sargine, « vos glorieuses mains sont meurtries. »« Oui, » reprit Isambert, « meurtries par les chaînes dont on les a chargées. » Et le comte en ce moment lança un tel regard de colère aux deux musulmans que ceux-ci portèrent la main sur la garde de leur cimetière. Louis montra le ciel à Sargine, et celui-ci se signa, ainsi que Monseigneur de Chartres et Isambert. Puis, s'adressant à son fidèle compagnon d'armes, le roi lui dit « Sargine, nous ne sommes plus ici dans la mêlée où tu dissipais devant moi les infidèles comme un vigilant serviteur qui écarte avec soin les mouches de la coupe de son maître. Mais, dis-moi, qu'est devenu Gaucher de Châtillon ?»« Hélas !» reprit le comte, « il défendit longtemps encore le terrain après nous, se dressant sur les étriers et criant de toute sa force « À Châtillon, chevalier, où sont mes prud'hommes ?» Mais, accablé par le nombre, il tomba mort, ayant sa côte de maille toute hérissée de flèches. « Mort !» répéta Louis, « mort comme mon illustre frère d'Artois, cet autre glorieux martyr !» On vit une larme couler de ses paupières et il se remit à prier. Or, après quelques moments de silence, on entendit un bruit d'armes dans la galerie voisine, et bientôt parut l'émir Oktay, chef des Mamelucs. Il vint se placer devant le prisonnier, et debout, la tête levée avec audace, il lui parla ainsi. « Voici que le maître de l'Égypte, le sultan ton vainqueur, m'envoie en sa place pour te proposer des conditions de rachat. Roi des Francs, rends-lui la ville de Damiet, occupée encore par les débris de ton armée, ainsi que les villes de Palestine qui sont au pouvoir des tiens, et sois libre de retourner dans tes états. Voici en outre les présents qu'Almohadan m'a chargé de t'offrir. » Alors il fit un signe de la main et les portes s'ouvrirent. Les esclaves égyptiens s'avancèrent et déposèrent aux pieds du roi 50 manteaux brodés de pierreries et autant de robes magnifiques pour lui et les seigneurs de sa cour. Louis, ayant toujours son rosaire à la main, et sans jeter les yeux sur l'émir et sur les présents, répondit « Allez dire à votre maître que je suis souverain d'un royaume plus grand que l'Égypte, et que je ne porterai jamais la vie d'un prince étranger. Quant aux villes chrétiennes de la Palestine, elles sont à Dieu, je n'en puis disposer. » L'émir à ces mots se prit à sourire de rage et ses yeux jetaient des éclairs. Le sultan du Caire, reprit-il, pourrait bien te faire servir à son triomphe, te traîner à sa suite et te livrer après aux ongles de fer du chevalet. Louis plaça ses bras en croix sur sa poitrine et répondit « Je suis prisonnier du sultan, il peut faire de moi ce qu'il voudra. » Comme l'émir sortait pour porter à son maître la réponse du roi, les compagnons de Louis baisèrent le pan de sa robe et quand ils se relevèrent, il les pria de s'abstenir de ces grandes marques de respect, étant captifs et pécheurs comme eux. Il les appela mes frères. Puis il interrogea Sargine sur le sort des prisonniers et sur les messages qu'il avait secrètement envoyés à Madame Marguerite de France, réfugiée à Damiette avec les débris de l'armée des croisés. Mais aucune nouvelle n'avait pu arriver jusqu'à Sargine, et le roi offrit à Dieu les amertumes de son chagrin. Cependant le jour commençait à baisser. On vint chercher le comte et monseigneur de Chartres pour les conduire au corps de logis qu'ils occupaient près de la maison de Fakhreddin. Ils suivirent leur gardien, et Louis resta seul avec Isambert, qui lui prépara un lit de repos. Car le roi devait désormais habiter cette grande salle, dont la terrasse donnait sur le Nil. La nuit déroulait ses voiles bleuâtres dans le firmament. Il venait de la rive opposée du fleuve, des brises embaumées des senteurs des nénuphars et des mandragores, et une rosée fraîche laissait tomber goutte à goutte ses perles blanches sur les branches de jasmin qui entouraient le cintre de la fenêtre. Cette soirée délicieuse paraissait apporter du calme dans l'âme douloureuse du royal prisonnier. Il vint se placer auprès de la terrasse, et après avoir prié, se tenant debout et les mains croisées sur sa poitrine, il se prit à contempler le tableau nocturne déroulé devant lui. Deux fois Isambert s'en vint à lui, le priant de prendre du repos sur la couche qu'il avait préparée, et deux fois le roi lui fit signe de la main qu'il le laissa dans sa rêverie. « Hélas !» disait alors Isambert, « le saint s'entretient avec les anges, et les anges, le trouvant si pur, l'emporteront avec eux. Mais nous, que deviendrons-nous sans lui? Il est si faible et si malade que c'est pitié. » Isambert, en se plaignant ainsi, s'était assis sur un des tapis placés au fond de la chambre. Il était épuisé de lassitude et il dormit. Que se passait-il dans l'âme du saint roi ainsi plongé en méditation? Était-ce le ciel ou la terre de France qu'elle rêvait en ce moment? Peut-être des apparitions célestes vinrent révéler à Louis les béatitudes qui l'attendaient un jour. Peut-être voyait-il dans la profondeur du ciel un trône aussi éclatant que le soleil et une couronne plus étincelante qu'un cercle d'étoiles. Et peut-être alors un esprit aux longues ailes blanches lui faisait signe que la couronne et le trône étaient à lui, Saint Louis, pour l'éternité. Hélas, qui nous a dit que Dieu, au contraire, n'envoya pas en ce moment au pieux prisonnier un calice d'amertume? Qui sait si le bon roi ne se rappelle pas en sa mémoire le souvenir de sa belle armée taillée en pièces, écrasée ou rongée de misère et de maladie? Nul ne révélera ces choses. Les âmes des saints sur la terre ont toujours de mystérieuses communications avec le Très-Haut, et jamais le roi Louis ne parla de cette nuit passée dans la contemplation. Les étoiles marquaient environ 2 heures dans le firmament, lorsque le roi crut distinguer de la terrasse où il était un esquif qui descendait le fleuve. Deux rames paraissaient vouloir rompre le courant, et pareil à un poisson agile, le bateau bondissait de vague en vague dans la direction de la maison de Fakhreddin. Bientôt il fut sous la terrasse, et Louis vit alors les rameurs se lever et amarrer l'esquif à un des anneaux de fer fixés au mur. Un homme enveloppé d'une longue cape blanche parut à la pointe du bateau et se disposa à monter sur la terrasse où se trouvait Louis, à l'aide d'une petite échelle que les rameurs dressèrent. Le roi lui demanda ce qu'il venait faire en ce lieu à cette heure, mais l'homme au manteau blanc ne répondit que ces mots « Je suis Octaï, chef des Mamelucs. » Louis le laissa monter. Arrivé sur la terrasse, Octaï salua le prisonnier avec respect, puis il lui dit « Depuis notre conférence, tout est changé pour toi. Si tu le veux, tu es libre sans rançon, toi et tes chevaliers. Tu gardes dans ton pouvoir les villes des croisés en Palestine. Consent à nous seconder en nous donnant comme auxiliaire le reste de ton armée retranchée à Damiette. Roi des Francs, réjouis-toi. Ton ennemi, le sultan d'Égypte, mourra par le fer d'ici à peu de jours. » L'insensé, dans une orgie, a tranché sur leur tige les fleurs les plus élevées qui couvraient sa table, en jurant qu'il ferait voler ainsi les têtes des Mamelucs. La sultane Cheghreddin est l'âme de la conspiration. Elle régnera et je serai gouverneur de l'Égypte. Consent à poser ton sceau royal sur ces tablettes afin que tes chevaliers de Damiette viennent à notre aide suivant ton ordre. Réjouis-toi, roi des Francs. » Louis garda le silence, et comme l'émir insistait pour obtenir de lui l'ordre qu'il réclamait pour les chevaliers de Damiette, le monarque fit un geste d'indignation. Ce que voyant, Octaille se prit à sourire, comme si une grande joie venait tout à coup l'animer. Il leva les mains au ciel et s'écria « Celui-ci est un roi magnanime et un noble chevalier. » Puis il ajouta qu'il avait voulu éprouver le grand cœur du roi de France par des paroles artificieuses, que le sultan était adoré des Mamelucs et qu'il lui rendrait témoignage de la vertu de son illustre prisonnier. « Tourancha, mon maître, poursuivit-il, partira demain pour Farescourt, où il m'a donné l'ordre de t'amener, et c'est là qu'il te dira lui-même qu'il accepte pour ta rançon et celle de tes compagnons 1 million de besans d'or, et qu'il te regarde comme un des plus fiers chrétiens qui ait tiré l'épée contre le prophète. » L'émir, après ces mots, s'inclina profondément, et quand il se releva, un rayon de la lune donnant sur son visage bronzé, Louis vit sa bouche sourire avec contraction, tandis que ses sourcils épais étincelaient une prunelle ardente du feu de la colère. L'esquif regagna le milieu du fleuve et disparut dans la brume avec le manteau blanc d'Octaille. En ce moment, Isambert, s'éveillant, s'écria « Sire, par amour pour Dieu, pour Madame Marguerite et pour le beau royaume de France, veuillez vous reposer. »« Isambert, répondit le roi, Isambert, mon ami, j'ai fait un rêve étrange. Tout éveillé, ainsi que tu vois. » Une grande agitation régnait à Farescourt. Les trompettes sarrasines sonnaient des fanfares et 1000 chevaux approchaient des portes de la ville. C'était le cortège de Tourancha. Le jeune sultan, revêtu de ses belles armes syriennes, parut au milieu de ses émirs. On portait devant lui les cottes de maille et les casques des plus illustres chevaliers chrétiens morts à la bataille de Mansoura. Parmi ses armures, il y en avait une toute ciselée d'or et parsemée de fleurs de lys. C'était celle du vaillant comte d'Artois, frère du roi. Hélas, on la voyait encore tout hérissée de flèches arabes. Le sultan fut harangué à l'entrée de la ville de Farescourt par l'émir gouverneur qui lui promit au nom du prophète l'empire du monde et toutes les délices de paradis pendant un règne de 7 années. À quoi Tourancha répondit qu'il acceptait et qu'il s'en trouvait digne. Puis les principaux de la ville baisèrent le pied du souverain et les trompettes sonnèrent et les timbales retentirent au milieu des cris de joie et des invocations des fidèles croyants. Le sultan montait un cheval du désert, superbe dans ses mouvements, jetant du feu par les naseaux et hérissant au vent sa crinière plus blanche que l'écume de la mer. Cet impétueux coursier, à la vue de la barrière de la ville, se cabra et se prit à hennir avec terreur, refusant de passer sur le pont-levis. Le jeune sultan regarda autour de lui et il vit les visages de ses émirs calmes et souriants. Il eut honte de ses pressentiments secrets et, piquant de l'étrier son cheval, il s'élança dans Farescourt. On lui avait préparé sur la rive du Nil un magnifique pavillon en étoffe de Perse. Le dôme, à l'intérieur, était parsemé d'étoiles d'or, comme le firmament, et de tous côtés, on avait appendu aux murailles des trophées d'armes sarrasines et des étendards. Sur chaque portique, on lisait une inscription du Coran, et chacune était une allégorie à la gloire et aux vertus de Tourancha. Il y avait au milieu de ce riche pavillon une table de porphyre chargée d'une pyramide de fleurs, de fruits les plus exquis et des mets les plus rares. 50 cassolettes brûlaient tour à tour et un nuage azuré s'exhalait de leurs treillis d'or. Ces parfums de Damas étaient les plus précieux de la terre. Le sultan descendit de cheval à l'entrée de ce grand pavillon et il vint s'asseoir à la manière asiatique sur le riche velours brodé qui lui était réservé. Il fit un signe gracieux à ses officiers et tous se retirèrent après s'être prosternés 7 fois devant la tiare souveraine. Il en resta auprès du jeune sultan que l'émir Octaille, chef des Mamelucs, arabe ambitieux, mais courtisan habile à déguiser sa pensée. Du reste, c'était un vaillant homme de guerre. Nul ne savait mieux que lui l'art du cimetière et l'art du commandement. Tourancha l'avait toujours ménagé comme un instrument utile et redoutable. C'est pourquoi, croyant désormais son service inutile, il voulait le briser. Or, le grand arabe, se tenant debout devant son maître, lui parla ainsi. Le roi des Francs et sa suite ont été embarqués sur le Nil, et ils ne tarderont pas à aborder la rive de Farescourt. J'ai dit que ta volonté souveraine était de recevoir dans ce pavillon le roi prisonnier. lui as-tu fait rendre son épée ? Demanda le sultan. « Oui, reprit Octaï, mais c'est un noble chrétien, et tu peux te rassurer. Il ne la tirerait contre toi qu'au milieu de la mêlée ou cela seul en champ clos. Qui sont les chevaliers qui l'accompagnent ? Ses deux frères. On les nomme le duc d'Anjou et le comte de Poitiers. Les chevaliers Guy de Montfort, Geoffroy de Sergine, Joinville. C'est bien. Je garderai comme otage un des frères de ce roi jusqu'à ce que Damiette me soit rendue. Dis-moi, Octaï, crois-tu qu'il puisse se trouver un traître parmi les émirs que j'admets à ma table, à mes fêtes nocturnes ? Au dernier banquet que je vous ai donné à la Mansoura, m'étant assoupi au milieu de l'ivresse générale, j'ai vu en rêve un sabre qui me menaçait sans cesse, tantôt du tranchant, tantôt de la pointe. Je voulais fuir. Ce sabre, guidé par une main invisible, était toujours étincelant devant moi. En me réveillant, je me suis aperçu que mon poignard manquait à ma ceinture. Je l'ai demandé, nul n'a pu me le rendre. Que veulent dire ces choses ? Maître, autant que la science peut éclairer notre intelligence, je pense que le sabre qui étincelait devant toi était le présage de ta puissance immense, éclatante désormais. Je pense que le poignard qui manquait à ta ceinture était un signe de paix à venir, un symbole de bonheur et de sécurité. Tu as vaincu les chrétiens, tu es adoré de l'Égypte et de la Syrie. À quoi bon un poignard à ta ceinture ? Grand prince, jouis des délices de la vie, le reste est peu de chose. C'est un roi de Ninive, on me l'a raconté, qui a dit autrefois ces belles et sages paroles. Sardanapal, un de mes ancêtres, car je suis de race assyrienne. Bagdad est ma chère ville natale et peut-être un jour, Octaï, en ferai-je le siège de l'Empire. Bagdad est la ville des étoffes précieuses et des plus belles armures. Elle reçoit toutes les richesses de l'Orient, les perles, l'or, la myrrhe, l'ivoire. Et puis, elle est très fortifiée. Et derrière ces murs, je serai à l'abri des cris de ma vieille milice toujours si turbulente et des ambitions fougueuses des émirs. Je fais une exception pour toi, Octaï. Je connais ton dévouement. L'émir s'inclina profondément, et ainsi prosterné, il put sourire sans être remarqué par le maître. On vint annoncer l'arrivée de la barque qui portait le roi de France. Le sultan ordonna qu'on envoyât une partie de sa garde au devant de l'illustre captif et qu'on l'introduisît au pavillon royal. Des clameurs se firent entendre sur la rive, et l'on distingua les cris d'amour dont les Français ont coutume de saluer leur monarque. Sur le seuil du portique, à l'entrée du pavillon, un homme parut, portant sur la tête un bonnet d'étoffe bleue broché d'or, une robe d'agrafe au cou et serrée à la ceinture par un large baudrier d'où pendait une longue épée. Il portait des éperons et ses mains étaient libres. C'était Louis IX. Il était suivi du seul Octaï. Quand Orangeat le vit, il se leva spontanément et marcha droit à lui, en lui offrant comme gage de paix un riche mouchoir brodé de pierreries. Le roi de France se plaça sur un divan de soie de la même hauteur que celui du sultan, et tous deux, en silence, se regardèrent mutuellement. Ils ne s'étaient jamais rencontrés dans la bataille, car Touranchat était un monarque voluptueux, ignorant l'art de la guerre. « Prince, dit le roi, acceptez-vous les conditions que je vous ai fait transmettre ? Roi chrétien, tu es vaillant dans la mêlée et fier dans les chaînes. Voici que tu sembles le vainqueur et moi le captif. Toutefois, j'accepte les 800 000 besans d'or pour ta rançon, mais il me faut aussi Damiette, ma ville. La reine Marguerite et un grand nombre de mes chevaliers occupent cette place, reprit Louis. J'avais envoyé un messager à la reine de France pour connaître son bon plaisir. Elle consent à céder la ville pour se retirer en Palestine. Damiette sera rendue. Roi chrétien, s'écria Touranchat, à quoi bon la vie d'une femme ? La femme n'est qu'un joyau du diadème des sultans. À l'Occident, elle est la compagne du chrétien. La reine Marguerite est madame et j'ai dû la consulter. Étrange, murmurait le jeune sultan. Puis il reprit. Je tiendrai les conditions promises. Tu seras libre, roi chrétien, toi et tous les prisonniers de guerre. Je le jure, et si je manque à mon serment, que je sois vil aux yeux des croyants comme celui qui se rend à la Mecque la tête découverte. À ton tour, jure de me livrer Damiette et 800 000 besans d'or et ajoute ces paroles. Si je fausse ma foi donnée, que je sois semblable à celui qui marche et crache sur la croix du Christ. Louis se leva, étendit la main droite et refusa de prononcer cette formule de serment, la regardant comme impie. Il ajouta. Je jure ma parole de chrétien et de roi, Cela suffit à tous les monarques, mes frères. » Alors le jeune sultan se prit d'une grande colère. Ses yeux étincelaient comme des charbons pétillants, sa bouche grinçait et sa main tremblait d'un mouvement nerveux. L'orgueil blessé semblable au feu comprimé. Il dévore sourdement ou il éclate et tue. Mais il est des sommets élevés d'où l'on peut braver cette flamme. Louis s'était abrité sous les ailes du Seigneur. Pendant l'orage de la colère de son ennemi, il priait. « Si tu ne prononces ces paroles, s'écria Tourangeau, je te ferai jeter dans une fosse ténébreuse et chargée de chaînes. Faites, je suis dans vos mains, mais je ne blasphémerai pas. Je te livrerai à Aktaïk, voilà, et ces Mamelucs t'égorgeront. Faites, je ne blasphémerai pas. » En même temps, Louis jeta un coup d'œil sur l'émir que lui montrait le doigt du sultan, et il reconnut celui qui lui avait parlé secrètement dans la nuit. Et comme Tourangeau menaçait de faire trancher la tête à tous les chevaliers captifs, le roi dit « Si vous versiez le sang de ces chrétiens, prince, je ne répondrai pas d'un seul cheveu de votre tête. Écoutez-moi, le Dieu que je sers et le Dieu que vous outragez, c'est le seul Dieu. Il m'éprouve aujourd'hui. Il vous attend demain. J'ignore ce qu'il vous réserve, mais je suis sûr qu'il hait la violence, la débauche, le meurtre, les abominations que vous commettez. Qui nous a dit qu'au moment où vous menacez ici ses serviteurs, quelqu'un dans votre camp n'aiguise pas un sabre pour vous tuer ?» Le sultan pâlit, car il se souvint de son rêve, et comme toutes les âmes timides, il passa du tremblement de la colère au tremblement de la peur. Il changea donc le fiel de ses paroles en miel et en suaves expressions d'amitié. « Roi, dit-il, ton Dieu est grand, puisqu'il a un serviteur tel que toi et tes illustres compagnons. Dis-lui que Tourangeau l'honore. Sois libre ainsi que tous les chrétiens dans mes fers. Retournez vers l'Occident et emportez de cette terre d'Égypte autant de vivres et de vêtements qu'il vous en faut pour une longue traversée. Roi, tu consentiras seulement qu'un de tes frères bien-aimés me soit remis comme otage jusqu'à l'entier accomplissement des conditions du traité. Ainsi soit, répondit Louis. Que le ciel verse sur toi la rosée de ses délices, ajouta le sultan. Que Dieu me fasse miséricorde et vous éclaire, reprit le roi. Ils se séparèrent ainsi. Octaï et ses mamelucs escortèrent Louis jusque sur le navire génois qui s'était offert pour le transporter à Chypre avec ses chevaliers. Et le roi de France, en se retrouvant au milieu des siens, ressentit une grande joie. Or, le navire génois devait mettre à la voile et quitter les parages du Nil le lendemain au soleil levant. Louis envoya, dit-on, un message secret au sultan pour l'avertir de se tenir sur ses gardes contre la trahison. Mais ce message fut intercepté. Sur le navire chrétien, on s'occupait à réunir et à compter 400 000 besans d'or, moitié du prix de la rançon que le roi devait payer au sultan avant de partir, et le comte de Poitiers était désigné comme un otage jusqu'à l'entier acquittement de la dette et de la reddition de Damiette. On se félicitait mutuellement, on louait le roi et on remerciait Dieu de tant de périls passés. La nuit descendait peu à peu sur les eaux. La rive paraissait s'éloigner dans l'ombre, et c'est à peine si l'on pouvait distinguer les cercles sinueux et les franges argentées du sable. Cependant, une multitude de lumières étincelèrent à la fois comme un amas d'étoiles. C'était le pavillon du sultan, qui tout à coup s'illuminait comme par enchantement. Tourangeau donnait ce soir-là une fête splendide à ses émirs et aux principaux de Faresco. L'orgie devait être complète, car le sultan voulait s'étourdir sur de vagues inquiétudes. Aussi avait-il invité ses familiers les plus débauchés. Déjà on entendait le bruit des cymbales, les fanfares des clairons et les cris des convives. Ce fut alors que le roi et les chevaliers se mirent en prière et chantèrent aussi leurs cantiques, suppliant le Seigneur de ne prêter l'oreille qu'aux voix du navire et d'oublier celle du rivage. Dans le pavillon du sultan, la débauche avait déjà troublé toutes les têtes de ses fumées et la joie éclatait en délire. Tourangeau, ivre et chancelant, laissait à ses familiers liberté tout entière et comme Balthazar, il blasphémait et riait à pleine gorge. L'écume à la bouche, le sabre nu, il jetait çà et là de livides regards, demandant qu'on lui amenât des têtes à trancher. Il avait fait voler en éclats des coupes et des candélabres. Il avait blessé plusieurs de ses courtisans et, se croyant prophète, il ordonna qu'on fît fumer devant lui les encensoirs. Dieu se lassa sans doute de cet insensé, car au milieu de l'éruption volcanique de cette orgie, la froide trahison, qui depuis longtemps attendait son heure, s'alluma aussi tout à coup et éclata comme la foudre au milieu d'un incendie. Le sultan disait en riant à l'émir Bongoktar : « Vieux cheval de guerre, je teindrai ton poil blanc de la pourpre de ton sang. Viens à moi !» Bongoktar saisit la propos et, s'avançant vers le maître, il lui porta une pointe de sabre dans le flanc. « À moi, Oktay !» s'écria le maître épouvanté. Oktay non plus ne lui manqua point, car il courut à lui, le fer nu et cherchant à lui abattre la tête. Mais le sultan recula et reçut le coup sur l'épaule. Il cria comme l'aigle blessé et s'élança à travers les lames levées. Son sang vint ruisseler sur le marbre et les tapis. Les émirs, à cette vue, s'animèrent au meurtre et le poursuivirent. Oktay et ses mamelucs étaient les plus acharnés, car la sultane Cheguerretedur leur avait promis de grands biens. Comme ils suivaient le sultan à travers les rues de Farescourt, celui-ci vit une tour au bord du fleuve et s'élança de ce côté. La porte en étant ouverte, Tourancha s'y précipita et la ferma sur lui. Bientôt on le vit paraître entre deux créneaux du sommet, demandant grâce et livrant le diadème à qui le voudrait. Mais la révolte rugissait et voulait sa proie. « Le feu grégeois !» s'écrièrent une multitude de voix. En vain l'émir de Bagdad, ancien gouverneur du sultan, voulut-il protéger de son sabre le dernier asile de son maître. Il fut entraîné loin de là, et aussitôt, comme un serpent agile, le feu grégeois enveloppa la tour de ses mille replis. Le voyant grandir et darder vers lui ses langues ardentes, le sultan s'élança dans l'espace vers les eaux du fleuve. Un croc de fer retint sa robe, et il resta suspendu, sa tête et ses mains s'agitant sur l'abîme. Alors, une nuée de flèches l'atteignirent, et il tomba en tournoyant dans un gouffre du Nil. Oktay et les Mamelucs le suivirent dans un esquif, comme on poursuit un crocodile, et le malheureux jeune homme, nageant avec vigueur, atteignait presque une barque que montaient le sire de Joinville et ses compagnons, pour le secourir sans doute par ordre du roi, quand le cimetière de l'émir lui fendit la tête. Son corps, ramené au rivage, resta étendu sur le sable comme une pâture aux oiseaux de proie. Les premières lueurs du matin blanchirent à l'horizon et vinrent se refléter dans les cordages et la voilure à demi déployée du navire génois. Le tumulte s'apaisa sur la rive, la foule se dispersa, et les émirs réunis en conseil attendirent les ordres de la sultane, alors à la Mansoura. Telle fut la fin d'Almohadam, Tourancha, dernier sultan de la race des Ayyoubites, prince sans cœur et sans foi, qui ne laissa d'autre souvenir que celui de sa dernière débauche et de sa mort. Les auteurs arabes remarquent qu'il périt à la fois par le fer, la flamme et l'onde. Ainsi s'achève Le Prisonnier par Jules de Saint-Félix.